C'est quoi? C'est bizarre comme matière. Et c'est carré. Oh, il y a plein de papier à l'intérieur. C'est un radio réveil connecté? Non, monsieur. C'est un livre. Et ça peut vous rendre plus intelligent. Attention, le livre est une espèce protégée en voie d'extinction. Si nous ne faisons rien et continuons à regarder les émissions pleines de profondeur de Cyril Hanouna, dans 5 ans, ils auront totalement disparu. Mais dites donc, il y a 70 pages. Faut lire tout ça pour connaître l'histoire. Eh oui, du con. C'est autre chose que tes vidéos de 30 secondes sur Internet. Et y a pas moyen d'avoir la série sur Netflix. Oh putain. C'était un message du Conservatoire des livres en voie d'extinction en partenariat avec la prévention psychologique.